plaisante pas. Mais si je démarre vraiment, même mon papa ne me raisonne pas. Si ma côte est en baisse, espèce de chien, tu me calcules pas. Tu me parles de mon buzz comme si on se connaissait pas. J'avoue tout ça m'amuse. Tu fais le con, je tourne dans Marseille toute la nuit. Je prépare un courrier qu'on inonde la zone de cash. Je refais les comptes, maman m'a dit mon fils t'es beau. Je veux pas que tu le montres. J'ai qu'un frère, c'est mon frère. Avec lui je peux faire la paire. Quand il rêve de me faire, je rêve de retrouver ma terre. Et je dois le faire, c'est tous les jours. Yemma, je me prends la tête. C'est bâtard, réveille tous mes genoux. Yemma, ça me prend la tête. Et tous les jours je quitte pas ma zone. Bah ouais, je suis parano. Non, ça me fait pas marrer. Je vais cacher ma vie par amour. Et tous les jours je quitte pas ma zone. Bah ouais, je suis parano. Non, ça me fait pas marrer. Je vais cacher ma vie par amour. Ouais, facile de rapper la rue, on sait de quoi on parle. Je connais des mecs discrets qui pèsent plus de 500 cas. On passe dans tous les checks, je ne plaisante pas. Elle me parle de mon buzz comme si elle voyait que ça. J'avoue tout ça m'amuse. Elle fait sa folle, elle peut me chasser toute la nuit. Je vais pas répondre pendant qu'elle remet son gloss. Je refais les comptes que ça me fait sourire comme un gosse. Yes, de Fico. J'ai qu'un frère, c'est mon frère. Avec lui, je peux faire la paire. Quand il rêve de me faire, je rêve de retrouver ma terre. Et je dois le faire, c'est tous les jours. Yemma, je me prends la tête. C'est bâtard, réveille tous mes genoux. Yemma, ça me prend la tête. Et tous les jours, je quitte pas ma zone. Bah ouais, je suis parano. Moi, ça me fait pas marrer. Je vais cacher ma vie par amour. Et tous les jours, je quitte pas ma zone. Bah ouais, je suis parano. Non, ça me fait pas marrer, je vais cacher ma vie par amour. Ouais, ah, ils ont le temps, tu penses, c'est pas un jeu. Un gramme te donne du cran, mon grand, c'est pas un jeu. Ah, ils sont beaucoup à faire, les rageux. J'ai mon grand frère en cage, pour moi, c'est pas un jeu. Ah, ils ont le temps, tu penses, c'est pas un jeu. Un gramme te donne du cran, mon grand, c'est pas un jeu.